vivre encore 100 ans et plus riche et content. J'aimerais mieux être brigand que pape roi que l'on adore. Nous allons voir à nos maîtresses dans le grade de leur salon. Dans ces belles et tournées de bandes des consommateurs. Amor. Thank you.